c'est la station Nuisance. Jean Jaurès. Commence. Correspondance ligne B. Correspondance ligne B. Si vous voulez bien la prendre pour aller direction donc Palais de Justice au 43 Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France, vous trouverez la station Canal Sud, Canal Sud, à cette adresse. Téléphone le 05 61 53 36 95. Un site internet, le www.canalsud.net. Nous écoutez cette émission de 21h du vendredi soir qui s'appelle Nuisance. Avec ce soir, pourquoi pas Aristote. Pourquoi pas quelqu'un d'autre aussi. Merci. Thank you. l'exigence. Il est poste 21h le vendredi sur Canal Sud. Je Thank you. Pierre-Henri, le voyage. Neuf, 16,50 €. On se peut donner quand même. On prend, on discute, on est numérique. C'est mon chemin aussi. D'après le livre des morts tibétain, après la mort, 1. Après la mort. Divinité paisible, divinité irritée. Le couple souffle de. Hommage. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM. Vous êtes les bienvenus, you are welcome, newcomers, newbies, wherever. And this show is about noise, so we're gonna try to either like, you know, or maybe not. And in both cases, something will certainly not or will probably happen. Sure exactly in which meaning this is supposed to be taken. One or two or three or four or five, six, seven, eight, nine, ten, whatever, however can express themselves or not. Probably like just magic fluid or something. And we must remember. Ce soir, pour vous, sur Nuisance. Aristote disait pas de moi, les choses changent. Je me lève, me lave, m'habille, me frotte les joues et les paupières qui grattent et partent. Je ne sais plus, j'ai oublié de voir la peine que je me cause, de moi à moi, par moi au monde. As always, things go on, as always, so it is. C'est de là, la merde à maintenant, j'écris là et maintenant, englouti, fuck me, me. No damn hell, I've gotta know, cheap but no thrill. It's not like I gotta get away, it's like an excitement, you know, an excitement. Just today is today for sure, as now is now forever, see what I mean? The apocalypse is near, brethren, and there's so to it. And as I was saying, friendship, the eternal diamond, faltering of decay, la putréfaction, on l'oublie, souvenir, as to know it is thus, whenever, whereas to none other, I have not told the tale, as for always, non mais c'est vrai, le trémoussage, oui c'est vrai, et ce qui est vrai est vrai, trials set aside their quarrels, quarreling ceases, thus may I uproot myself, non-associating, j'ai confiance en toi, je vois, comme tu es en vie, tu m'apportes envie de la vie. Thank you. Je me suis lavé les dents au fluocaril ce soir. Ce soir, c'est la journée où je me suis rasé les dents au fluocaril avec une barbe rouge qui me pend au nez. Et tout tout ce temps-là passé à pendre au nez de la barbe rouge, eh ben, on en oublie le rouge. Et le rouge, faut pas l'oublier, parce que c'est la couleur du récipient. And the recipient must not change its color willingly, but naturally, as in you just let yourself go and it changes. But you still care, don't you? Don't you care? I do. You do? I was lying, in fact. I don't care. I do. I just change. Who cares? Okay, do you? Because I'll do me. I'll do you. No, you probably won't. Sure. How could you? It's horrible. What have you said? I'm gonna shut up now. J'ai le droit de vivre. La tourmente se vit aussi et se repousse, oui. Comme la limite étant la limite situationnelle. C'est comme mourir, tu sais. You know. Tu vois ce que je veux dire? I'll get that. Et pour ainsi dire, à chaque fois que j'emploie, je pratique. C'est comme respirer, tu sais respirer, des champs de chiottes entiers. Le bleu du ciel s'obscurcit peu la nuit, mais plutôt le jour. Car en fait, la lumière n'est pas assez forte la nuit, non. Car en fait, tout est faussement fait. Faux, faux, faux. Fake light. Firstly, one being doesn't quarrel any no more. Bien que je ne puisse ne pas me pouvoir, j'ai le droit à l'erreur, pas de doute. Sourcilleuse. Œil qui garde en toi tant de sommeil sous un voile de flamme Ô mon silence, édifice dans l'âme, mes combles d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps qu'un seul soupir résume, à ce point, pur, je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin, et comme aux dieux, mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étranges, oisiveté, mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. L'âme exposée aux torches du solstice, je te soutiens, admirable justice. De la lumière aux armes sans pitié, je te rends pur à ta place première. Regarde-toi, mais rendre la lumière suppose d'ombre une morne moitié. Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne, amère, sombre et sonore citerne, sonnant dans l'âme, un creux, toujours futur. Sais-tu, fausse captive des feuillages, golfe mangeur de ces maigres grillages, sur mes yeux clos, secrets, éblouissants, quel corps me traîne à sa fin paresseuse, quel front l'attire à cette terre osseuse, une étincelle y pense à mes absents. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière. Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre. La mère fidèle y dort sur mes tombeaux. Chienne splendide, écarte l'idolâtre. Quand solitaire au sourire de pâtre, je paie longtemps, mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes. Éloigne-en les prudentes colombes, les songes vains, les anges curieux. Le triangle. Pardon, le triangle. Ici venu, l'avenir est paresse. L'insecte net gratte la sécheresse. Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air. Ah, je ne sais quelle sévère essence. La vie est vaste, étant ivre d'absence. Et l'amertume est douce, et l'esprit clair. Les morts cachés sont bien dans cette terre qui les réchauffe et sèche leur mystère. Midi là-haut, midi sans mouvement. En soi se pense et convient à soi-même. Tête complète et parfait diadème. Je suis en toi le secret changement. Tu n'as que moi pour contenir tes craintes. Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes sont le défaut de ton grand diamant. Mais dans leur nuit toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti, lentement. Ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre a passé dans les fleurs, où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. Les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent. Tout va sous terre et rentre dans le jeu. Et vous, grande dame, espérez-vous un songe qui n'aura plus ses couleurs de mensonge? Vos yeux de chair, l'onde et l'or font ici Chanterez-vous quand vous serez vaporeuse? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse. La sainte impatience meurt aussi. Aristote, éthique à Nicomaque. Si l'homme heureux a besoin d'amis. Livre 9, chapitre 9 à 12, traduction par Jean Tricot. Si l'homme heureux a besoin d'amis. On discute également au sujet de l'homme heureux, s'il aura ou non besoin d'amis. On prétend que ceux qui sont parfaitement heureux et se suffisent à eux-mêmes n'ont aucun besoin d'amis. Ils sont déjà en possession des biens de la vie. Et par suite, se suffisant à eux-mêmes, n'ont besoin de rien de plus. Or, rien de plus, l'ami, qui est un autre soi-même, a pour rôle de fournir ce qu'on est incapable de se procurer par soi-même. D'où l'adage, quand la fortune est favorable, à quoi bon des amis ? Pourtant, il semble étrange qu'en attribuant tous les biens à l'homme heureux, on ne lui assigne pas des amis, dont la possession est considérée d'ordinaire comme le plus grand des biens extérieurs. Et l'esprit critique n'est pas esprit critiquement, même... De plus, si le propre d'un ami est plutôt de faire du bien que d'en recevoir, et le propre de l'homme de bien et de vertu est de répandre des bienfaits, et si enfin... Humanistiquement, non. Ici est ce que je voulais dire maintenant. C'est en deçà qu'elle se situe, elle. T'inquiète, ne suffit pas toujours. Alors que quand l'autre dissémina la totalité par parcelle d'hectolitres capitonnés. C'est bien ça, capitonné, c'est bien ça. Jusqu'en l'enfer sur terre. Point d'interrogation. Ouh là là là là là. It's the way that I feel when I'm doing that shit of sort. Non, que ce ne soit cohérent. C'est cohérent? C'est cohérent. C'est cohérent, con. C'est con et rang, si enfin il vaut mieux faire du bien. Quite the studies are insanely disentropic and unnatural. À des amis qu'à des étrangers. L'homme vertueux aura besoin d'amis qui recevront de lui des témoignages de sa bienfaisance. De rien à maintenant, pour ne jamais, à dire à jamais, pour ainsi dire. Et c'est pour cette raison qu'on se pose encore la question de savoir si le besoin d'amis se fait sentir davantage dans la prospérité ou dans l'adversité, attendu que si le malheureux a besoin de gens qui lui rendront des services, les hommes dont le sort est heureux ont besoin eux-mêmes de gens auxquels s'adresseront leurs bienfaits. No doubt about it, it's on my side. Yeah, right. Et sans doute est-il étrange aussi de faire de l'homme parfaitement heureux un solitaire. Personne en effet ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Et c'est là le non-drame de la transcendance. Subjectivité, immanence externe. Ils font donc, à l'homme heureux, des amis. Alors qu'est-ce qui suffit? Que veulent donc dire les partisans de la première opinion et sous quel angle sont-ils dans la vérité? Bah rien ne suffit. Mais serait-ce pas que la plupart des hommes considèrent comme des amis les gens qui sont seulement utiles? Now and on and here and there, that's how, you remember? Certes, l'homme parfaitement heureux n'aura nullement besoin d'amis de cette dernière sorte, puisqu'il possède déjà tous les biens. Par suite, il n'aura pas besoin non plus ou très peu des amis qu'on recherche pour le plaisir. Sa vie étant en soi agréable, il n'a besoin en rien d'un plaisir apporté du dehors. Et comme il n'a besoin d'aucune de ces deux sortes d'amis, on pense d'ordinaire qu'il n'a pas besoin d'amis du tout. No fear, nor any other affect will damage. None of it will have. Mais c'est là une vue qui n'est sans doute pas exacte. The things, they are dead and full of it, the guano. Bats, like men, are blind as hogs. And women have lost virginity, ou trois de maintenant, à tout jamais. Même que c'est vrai ce que je dis. Or, si le bonheur consiste dans la vie et dans l'activité, et si l'activité de l'homme de bien est vertueuse et agréable en elle-même, ainsi que nous l'avons dit en commençant, no lust, no hate, nothing in fact but placements and scavenging. Si d'autre part le fait qu'une chose est proprement nôtre est au nombre des attributs qui nous la rendent agréable, When I look in the mirror, I see from emanating from mirror perspective. Si enfin nous pouvons contempler ceux qui nous entourent mieux que nous-mêmes et leurs actions mieux que les nôtres, et si les actions des hommes vertueux qui sont leurs amis sont agréables aux gens de bien, puisque ces actions possèdent ces deux attributs qui sont agréables par leur nature, dans ces conditions, l'homme parfaitement heureux aura besoin d'amis de ce genre, puisque ses préférences vont à contempler des actions vertueuses et qui lui sont propres, deux qualités que revêtent précisément les actions de l'homme de bien qui est son ami. I have foretold the misspellings through knowledge, consciousness, awareness, sight of fact. Deficiency is slavery. Destruction. So destruction. As now, to never, the one being death or a life chosen to be accepted. Salvifique opération. As evidently non-fact is illusion of non-veil. En outre, on pense que l'homme heureux doit mener une vie agréable. Et vous, grande dame, espérez-vous un songe qui n'aura plus ces couleurs de mensonge qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici? Chanterez-vous quand serez vaporeuse? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse. La sainte impatience meurt aussi. So I'm getting it, I'm getting it. Les cocons de terre sont de ce fait inutiles à réaliser. Et donc à préserver. Maigre immortalité, noire et dorée, consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un saint maternel, le beau mensonge, la pieuse ruse, qui ne connaît et qui ne les refuse ce crâne vide et ce rire éternel. They wander down just to die. So now, so be it, shit be it. No passion. Fucking is only fair. Each other through oneself. How about that? And as I said, so here's to when, who wills, how wanting means much. Where's the whole thing? Père profond, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés hête la terre et confondait nos pas. Le vrai rongeur, le ver irréfutable, n'est point pour vous qui dormez sous la table. Il vit de vie, il ne me quitte pas. Amour peut-être ou de moi-même haine, sa dent secrète est de moi si prochaine que tous les noms lui peuvent convenir. Qu'importe, il voit, il veut, il songe, il touche, ma chair lui plaît et jusque sur ma couche, à ce vivant je vis. D'appartenir. Zénon, cruel Zénon, Zénon délé, m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre, vole et qui ne vole pas? Le son m'enfante et la flèche me tue. Ah, le soleil, quelle ombre de torture pour l'âme, Achille immobile à grands pas. Non, non, debout. Dans l'air successive, brisez mon corps, cette forme pensive. Buvez mon sein, la naissance du vent, une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Ô puissance salée, courons à l'onde en rejaillir vivant. Oui, grande mer de délire douée, peau de panthère et chlamys de trouée, de mille et mille idoles du soleil hydre absolu, ivre de ta chair bleue, qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Et comme tous les 24 septembre de cette année-là, il faisait froid. Il faisait froid dans l'hôpital, sombre, livide, blafard, blême, problème. Clafardise. Sans cela, semblera-t-il qu'on doit parler de vie en société quand il s'agit des hommes? Et il n'en est pas pour eux comme pour les bestiaux, où elle consiste seulement à paître dans le même lieu. Si donc pour l'homme parfaitement heureux, l'existence est une chose désirable en soi, puisqu'elle est par nature bonne et agréable, et si l'existence de son ami est aussi presque autant désirable pour lui, il s'ensuit que l'ami sera au nombre des choses désirables. Mais ce qui est désirable pour lui, il faut bien qu'il l'ait en sa possession, sinon sur ce point particulier, il souffrirait d'un manque. Nous concluons que l'homme heureux aura besoin d'amis vertueux, ou de moins de désirs, sur le nombre des amis, Est-ce que nous devons nous faire le plus grand nombre d'amis possible ou bien de même que dans le cas d'hospitalité, on estime qu'il est judicieux de... Les mots peuvent, qu'importe, éviter ou faire éviter les mots. Stress imaginaire, fictif, inétabli en soi, car se refusant de l'être. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie. Rompez vague, rompez d'eau réjouie. Ce toit tranquille où picoraient des phoques. Poc, poc. Steak aux pattes. Ode secrète au steak aux pattes. Une ode de psyche aux pattes. Ode secrète. Cric. Crac. Ah. Attaque. Sans tact. C'est ma tactique. Tactique de tic-tac, toujours frais, à chaque heure de la journée. Je suis là derrière toi. Je suis la voix. Le son s'est enfourné. Que faire ? On peut pas se détourner. Peut-être continuer toute la journée, en effet. On est fossoyés, comme des fossoyeurs, comme des faussaires. Faucifères. Partent en fumée. Défense vrai. De fumée. Il faut être défense vrai. De fumée. Pour être défoncé. Éclairci plus que défoncé. Puisqu'on est trop foncé, éclairci. Et fonçons. Effaçons. La restructuration générale de la famille autour de la valeur de l'amour. Défonçons. Sans façon. Combinés, ils ont profondément remodelé le sens et l'expérience de l'enfantement jusqu'à faire surgir un nouvel enfant. Anytime. L'enfant de l'amour. Anywho. Undo that. Hegel est sans doute celui qui a le mieux. Hegel. Vive la France. Péter dans la soie. C'est ça, hein ? Bande de philosophes. C'est du pâté en soie. Un ballon. Un ballon d'eau chaude. Peut-être. Petit patapon. Oh putain. À l'horizontalité de la transmission de la vie, il substituerait la verticalité de la solitude. Damn. Chute superbe. Fin si douce. Oubli des luttes, quelle délice que d'éteindre à la même mousse, après la danse, le corps lisse. S'appuyant sur une foule d'exemples. Pas une foule fitude. Une foule fitude d'exemple. Un perfectionnement a lieu. Une nouvelle création de l'humain. C'est des lamelles, 12 par 80. Jamais une telle lueur. Pardon. Que ces étincelles d'été, sur un fond sommé de sueur, n'avaient la victoire fêtée. Ah. J'aime la chasse et la fête. Ah. Chasse et pêche. Arrivé à pied bas. Chasse très pêche. Ah. Très pêche. Très chasse. Ah. Sur tes échasses, tu pêches, circassienne. En reprenant cette expression en 1989, j'ai voulu dire que Hegel avait eu raison contre Marx. Risque de compute en compute, la terre ferme s'est perdue. Le partage ne clôt en rien la fascinante dorure morusale. Singapour. Non, alors que la bite de la chatte, elle non plus. Oulan-Houdé. La merde. Mais touché par le crépuscule, ce grand corps qui fit tant de choses, qui dansait, qui rompit Hercule, n'est plus qu'une masse de roses. La fin de l'homme. Le silence. Dormez. La nature. Dormez. Sans les hommes. Sous les pas sidéraux. Déconnecte les effets de la cause pour en restituer la saveur nue. Vainqueur lentement désuni, car l'hydre inhérent au héros. Ma culture. Déployée à l'infini. Et si j'en faisais tout un livre. Oh, quel taureau, quel chien, quel ours. Quelle corne. Pointu. Tu as la... Quels objets de victoire énormes. quand elle entre au temps sans ressources. Quel dodu. Dindon. Dis donc. Que ce bœuf-là. Quel énergumène, cet aspect-là. L'âme impose à l'espace informe. Le retour à l'immédiat. Fin suprême. Et alors arrivent les azures bouclant, se débouclant, en boucle linéarisée, donc souvenir de temps dépassé. Born to be alive. La valeur de l'amour est promue de façon inconditionnelle et inconditionnée. Ce que je n'accepte pas, c'est que l'absurde soit présenté comme un fait. Étincellement, qui, par les monstres et les dieux, proclame universellement les grands actes qui sont aussi eux. Efficiency. Oui, monsieur. Une liberté paradoxale. Et si la question ultime n'était plus celle de la mort ? Question ultime. Je la poserai pas. Je sais que je vais mourir. Is non-wishable. Well, reasonably, I mean, so here goes. Je l'imposerai. Efficiency induces stable perspectiveness. Si les raisons religieuses semblent avoir déserté notre univers mental, ne sont-elles pas toujours présentes de façon latente ? Pourquoi fait-on des enfants ? Ouais, comme un psychopathe. 73% des réponses sont liées au plaisir, 69% au devoir, 48% à l'amour. Ce qui fait 73 plus 69 plus 48, ça fait 100%. C'est bizarre, vu qu'il peut pas y en avoir plusieurs mélangés. Ouais, si, mais j'ai envie de me dire une merde. Donc, en fait, on va dire plutôt 91%. D'accord, en fait, ça faisait pas. Contrairement, ça vous va, ou 9, comme vous voulez. Ouais, mais il y en a genre qui sont nés du viol, non ? Mais c'est pas ça, c'est on demande aux gens s'ils ont envie d'enfants. T'sais. Pourquoi fait-on des enfants ? Bah, parce qu'on viole. Mais on fait des enfants. Ouais, il y en a, ouais. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Le viol de guerre, par exemple. T'arrives dans un village, tu violes toutes les femmes et leurs enfants seront. Plaisir, devoir, amour. Plaisir, devoir, amour. Devoir aimer l'amour. Ah oui, c'est devoir, du devoir, du coup. Devoir plaire à l'amour, devoir prendre plaisir pendant l'amour. Devoir creuser. Aimer le devoir. Prendre plaisir à l'amour. Creuser dans la vase devoir régénératrice. Le plaisir de l'amour. Devoir le plaisir de l'amour. D'essuyer ces verres de glace. Devoir l'amour. De cette boue épaisse. Je dois à l'amour. Oh oui, je dois à l'amour. De sauter de la terre. En particulier l'amour maternel. C'est un corps étranger. N'est pas un instinct. Mais une construction. Difficile. Et précaire. Rencontre. Les mille et un pieds d'une valse sans terre qui n'efface pas. L'effacement, car réitération, réitération. Objection. Abandon sincère dans l'expression. Le rameur penché contre un grand fleuve, infiniment, mes rames m'arrachent à regret aux riants environs, âme aux pesantes mains pleines des avirons. Il faut que le ciel cède au glas des lentes lames. Le cœur dur, l'œil distrait, des beautés que je bats, laissant autour de moi mûrir des cercles d'ondes. Je veux à large corrompre l'illustre monde de feuilles et de feux que je chante tout bas. Arbre sur qui je passe, ample et naïve moire, eau de ramage peinte, épais de l'accompli. Déchire-les ma barque, impose-leur un pli qui court du grand calme abolir la mémoire. Déchirer les becs de l'outre en faveur d'une outre, tergiversable et versante. Est-ce démentiel ? Est-ce une idée ? Jamais. C'est de Verbeau, Verlaine. Non, Valérie. Valérie. Je n'obtiens rien à d'autre. Peut-être est-ce moi qui ne suis pas autre. Jamais. Communication difficile ce soir. Communication difficile, toujours. Jamais. Jamais. Jamais. Charme du jour. Toujours. Jamais vos grâces n'ont tant souffert d'un rebelle essayant sa défense. Situation extrême, de souffrance gênée. Mais comme les soleils m'ont tiré de l'enfance, je remonte à la source où cesse même un nom. Enfin. La maîtrise de la fécondité désexualise le désir d'enfant. Elle le spécifie en un désir expressément dissocié du désir sexuel et sciemment dirigé vers l'engendrement. Enfin. Un désir dissocié de la libido. Rien de plus pas sexy qu'un couple qui essaie de faire un enfant. Rien de moins sexy qu'un enfant qui chie dans ta main pendant que tu le frappes. Ah si, ça c'est pas mal. Et qu'il meurt à coups de dents. Acéré dans la tête pendant qu'il pleure, et tout ce temps-là, il pleure. Il pleure à cause de la vitesse. Comment on peut réagir autrement? Un bar à blanquette. En vain. Val. Mieux. Ville. Vol. Qu'un individu qui ne se reproduit pas. En vain. Jouit de lui-même comme à un état final. De l'évolution. Bah non, les photocopieuses 3D, elles peuvent faire d'autres photocopieuses 3D. Ouais, mais c'est pas elles qui le font, c'est le logiciel. C'est nous qui l'avons fait, le logiciel. Pour l'instant, ils ont pas de logiciel self-replicant. Ouais, ça c'est... Mais il y a des codes mutants. We talk about software and I think the new technology. Yeah, technology will be soon very, very, very competitive. Yeah, we're committed to our engagement. Capitalism. Towards quality of service. Okay, yeah. We will serve no matter what. Programming obsolescence? We will program obsolescence. Yeah. Yeah, we will do it. We will eat other people's food to make our bread. We will crush their bones. We will take these English people and all the other people and crush their bones to make my bread. To make soup? Because Jack... To cook a soup? Annunzio? Cook a soup. Yeah. To cook soup or bones? Bone soup, no, to make bread with the during long time. Humans. Yeah, because soup. And we could make human centipedes to just like to human essence. For economy, like not like to spend too much. Perfume. Like each family. Perfume. All work and no play makes Jack a dull boy. Thanks. All work and no play makes Jack a dull boy. Ching. Ching. Un pitch. Comment comprendre cette idée? Cheap pitch. En tournant la page. We just not that. Please. Le rapport social entre générations, yeah, sure. Et l'adoption. Les rapports entre enfants et parents sont de plus en plus confus. La société consumériste et le marketing, en ciblant les plus jeunes, tendent à brouiller les rôles. Mais le rôle des parents, c'est de te préserver de cette société consumériste. Et le rôle de l'enfant, de lui rappeler qu'il en fait partie. Ouais, de cette société. Et qu'il faut lui donner des cadeaux, car la société le veut, le demande. Une ruse de la morale. Selon Hannah Arendt, les hommes sont les mortels, les seules choses mortelles qu'il y ait, car les animaux n'existent comme membres de leur espèce et non comme individus. Eh bien, puisque tout le monde m'écoute ce soir, je vais dire de la merde. C'est pas toi, ça. J'en ai rien à foutre. En vain. Aïe. Voilà. Ah, moi, je préfère t'écouter qu'Aristote. Toute la nef Aristote. Énorme. Ouais. Et continue. Empêche le bras pur, mes membres harassés. Je romprai lentement mille liens glacés. Et les barbes d'argent de sa puissance nue. Ce bruit secret des eaux, ce fleuve étrangement. Place mes jours dorés sous un bandeau de soie. Rien plus aveuglément nu sur l'antique joie qu'un bruit de fuite égale et de nul changement. Sous les ponts annelés, l'eau profonde me porte. Voûte pleine de vent, de murmures et de nuit, ils courent sur un front qu'ils écrasent d'ennui, mais dont l'os orgueilleux est plus dur que leur porte. Leur nuit passe lentement. L'âme baisse sous eux ses sensibles soleils et ses promptes paupières, quand, par le mouvement qui me revêt de pierre, je m'enfonce au mépris de tant d'azur oiseux. C'est Nuisexia, en fait. Ou Annexience. Que fait-on? Nuisance, émission éducative. Bromure. Thank you. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine, www.canalsud.net sur le net. Il est 23h30, it's 11:30 local time in Toulouse, France. Toulouse, France is a city in France where people are doing things and not doing things and sleeping and everything like that. And also that is very precise about Toulouse. Our country, Toulouse. Our country, Toulouse, France. Southwestern France. Toulouse. Like temperature is like 12 degrees. Oh, not even, yeah, or maybe like 11.99, maybe, or yeah, maybe 12. Fahrenheit, yeah, it's maybe. Freezing. It's freezing, freezing, the pressure is freezing cold. Yeah, it's like a very high level of humidity. Yeah, a lot of frogs. And yeah, frogs. Toads. Everywhere. Toads everywhere in the street. People are screaming and they look falling. Like smoking frogs. Yeah, they all explode. You know, they blow up. You know, because of the radioactivity we have about 20 kilometers away. We call it Google Flesh. It's our Google Flesh. Flesh. Our radioactive unit here. We have it for energy. Yeah, it does not work that much, bro. No, but it's pretty radioactive though. So yeah, it works. Yeah, in that way. We know nobody can hear us. We know we're the only ones. But we're still doing this show, you know, every Friday around 9:30. Yeah. Heavy 11. Duty secrets. Secrets are very important for us. And nous gardons les secrets, tous les secrets. That's why the complotists listen to Canal Sud. Yeah, les patrons écoutent Canal Sud. C'est bien connu. 92.2. 92.2 FM ou canalsud.net. Ou 92.2 FN. On peut aussi le dire, mais c'est pas tout à fait correct puisque c'est un M. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs Canal Sud effectivement a fait une bourde ce jour-là. Ils ont, je sais pas quoi, c'était sûrement une opération de com de merde. J'ose le dire parce qu'ils sont tous morts ces gens-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Merci. Mais au suivant. Ce sont des Toulousains victimes des radioactions. Local. Ouais, on peut comprendre. Et donc justement, en parlant d'activité. L'activité de la radio Canal Sud n'est pas nuisance. Nuisance a une activité complètement différente de Canal Sud. Bénéfique. Le bénéfique manque, comme on sait. Faire des bénéfices. Bénéfice. Utilitarisme, tout bénéfice. Est utile dans la vie, ou peut l'être. Peut-être. Tout peut être détourné aussi. À maintes reprises, les dérives ont été observées. J'utilise souvent un marteau pour me gratter le dos. Moi-même un marteau pour me gratter le pied. Oui. Pourquoi pas après tout. Je veux dire, on n'a rien perdu si on se gratte quelque chose avec quelque chose. On a au moins inventé un outil qui peut servir à autre chose qu'à ce qu'il sert d'habitude. Oui. Et on peut appeler ça un marteau, si on veut. J'ai inventé l'eau chaude, moi, aussi. Et je m'en sers pas seulement pour faire du thé. Tu pourrais montrer comment faire si t'étais sympa et je pourrais faire avoir de l'eau chaude chez moi aussi. Ben, une cuillère à soupe, un briquet. Un briquet, ouais. Ah, j'ai jamais pensé. Une allumette, tu crois que ça marche? C'est assez long? Non, c'est pas assez long. Ah, il faut en allumer plusieurs à la fois sous la cuillère. Plusieurs à la fois et des longues, là, des longues de barbecue. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Ah, le mieux, c'est une gazinière, en fait, pour bien chauffer son eau. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est bien vrai. J'ai remarqué avec de l'amo, tiens. Oui. Mais l'eau, c'est à peu près pareil que l'amo, sauf que c'est différent. Voilà. C'est pas c'est H2O, alors que ammoniac, c'est NH5, je crois. Ouais, je crois bien. Je sais pourquoi, je sais. Je suis sûr que cette info est vraie. Tout comme C17H21NO4 est une molécule que nous apprécions. Oh, sûrement, je vais te croire. Mais tout ce qu'il y a assez dedans, ça m'intéresse déjà parce que. Ah, le carbone. Je suis né sous la bonne étoile d'être un être carbonifère. Le diamant, c'est. Ouais, et le graphite aussi. Ouais, c'est. Ce qui est moins graphique quand même, le diamant, que le graphite. Enfin, ça dépend. Mais c'est moins graphique, oui. Toutes les deux sont graphiques. Bon, je vais peut-être mettre autre chose qu'un vinyle qui tourne en boucle. Pourquoi pas? Where's the whole thing next in up? The whole damn day. No hate. Well, for sure, dying is good. Dying is good. Dying is good. Dying is good. And I say so as I say. I don't want and get, I want and do not get. The authority. Le fleur tue. Le fleur tue tout. Comme le cyanure d'hydrogène. Le protoxyde d'acétone. Les secrets sont bien gardés. Les cerises. on pourrit le gâteau. Hé, cerise sur le ghetto. Merde, reprenons. Merde, reprenons. Il est contraire d'être contre... Il est contraire d'être contradictoire à la vie, contraire de souhaitable. Non, faut que j'aille pisser, mais je reviens tout de suite. T'inquiète. Ici Toulouse, toujours sud-ouest, sud-ouest, température extérieure de 11,5 degrés, humidité de 85%. Il fait froid. On se pèle les couilles. Humidité. Freezing. Je me suis... Mais je vous rassure, chers auditeurs, ici dans nos studios, il fait une chaleur ardente. Même dans mon frigo, il fait plus chaud que dehors. Ouais, ici, il fait plus chaud que dans mon four. À 300. C'est clair. balance les pelles. Ça, c'est le son de mes coups. Ça, c'est le son de mon cou qui craque. Mais qu'est-ce qu'elles sont dures? Elles sont glacées. Fais pas ça, elles vont se casser en 1000 morceaux. Oui, j'arrête. Après, faudra les ramasser. Et voilà. Be careful with my balls, they're fragile as eggs. Ah, old dirty bastard. Peace to the person. Now, let's say something even like more disgusting about our balls. Yeah. Let's play ball. Let's play ball girl. Let's shoot balls. Yeah. Smash balls. Smash balls, like, that's funny. We can kick balls. We could baseballs. We can baseballs. Yeah, we got ammonia, we got the right dosage. We could like baseballs. I'm sure we could. I don't know if we'd smoke much. Semen is not that I good. I love baseball. You like the baseball? Oh, yeah, damn. Yeah. You like to free baseball? Okay. Once in a while. Once in a while, it always helps, you know. It's like psychological. Cut off some steam, you know. Kick back. Yeah, cut off some semen somewhere. It just gets the fetch taboo. Fetch it. Gets the taboo like out of everything, you know. Taboo. That's very taboo to talk about very semen. Taboo, you know. Taboo. Nemesis. Ouais, et justement, on parlait de faire une omelette aux boules. Alors, tous les gens qui sont là. Moi, je reviens à tabouler. Hein. Ah, taboulé. Ah, ouais, vas-y, mais tu boules. Et bah, avec tes boules, je fais du taboulé. Ah, bah, moi, je pointe. Taboulé. Ah, mais ça n'existe pas boulé en. Il paraît qu'on dit taboulé. Non, mais taboulé. Taboulé. Eh, taboulé. Eh, eh. Taboulé. J'avais compris. Tu vas bouler. Taboulé. Taboulé ou tu vas. C'est moi, taboule. C'est moi, c'est. Tamboustoul. Toulouse, ma taboule. Istanbul. Tamboustoul. Tamboustoul, je savais. Toulouse. Kaboul. Toulouse Bolt. Poupoul Cool Cool. Le lac Toutoul Cool Cool. Ok. D'accord. Ah, je vais communiquer nos plans. Attention. Qu'est-ce que t'en dis que je communique mes plans à ma coloc? J'ai envie de dire. Fait. Poule qui roule. Namaste pas. Namasté, chers auditeurs, namasté. Namaste vous. Namastu. Namaste. Namaste. Les boîtes foisonnent d'obnubilante inutilité. I know now. Je ne doute pas d'une conjonction astrale difforme. Je n'en doute pas. La déformation, la distorsion n'obstrue pas la pensée. Elle la déplace. Heureuses les choses n'obnubilent pas le défini en faveur d'infini. Heureux les choses n'obnubilent pas le défini en faveur d'infini. Pour se faire, et se faire et refaire, l'être needs fortune. Bien. Pont entre les jambes, le sexe des boules, est intransigeamment le ventre, pas d'accord. No fear, nor any other effect will damage, none of it will harm. Pour ne point à jamais ne pas découvrir la même chose. Je vais me faire un rituel de valeur. Sexe, biologie, argent, feu, mort. Whereas, as is, and has been, said they are everywhere. Has-beens. Everywhere. They are elsewhere. I don't give a day. Comme si les fonctions de l'imagination pouvaient être décelantes par Abdul. Pour en faire, ne point se faire toucher ou joindre. N'importe où. Allez. Yo. Cet être nommable est temporairement, c'est sûr. Et c'est tout. Old MacDonald. Madness, folly. Dur de penser que j'ai pu passer à côté de si peu. C'est pas possible. Tout est relatif. Ce n'est pas le moment ni le lieu qui compte, c'est l'acte, le faire. Vite. CH4. Avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est sûr, and it's for sure. N2O. The Hayward. Cacophonie comme nous-mêmes. Ou mémé poussé dans le tram. H21. À genoux, mamie. À genoux, mamie. Suce-les mes boules. Dure et froide. Allez, mamie. Et rabougri. À genoux, mamie. C'est pas un mauvais bougre. C'est moi qui écris ça. Ah d'accord, je me disais de la liberté. Je me suis permis de... Mamie, je t'encule. Ah et... non, à genoux mamie. À genoux mamie. À genoux mamie. À genoux mamie. Mais putain, mais qu'est-ce que... Il y a et deux mots, mamie, non. Et c'est sûr, and it's for sure. Putain, mais je suis vraiment dégueulasse. Hayward cacophonie comme morte, même, ma, ma, ou même mère. Poussée dans le tram à genoux mamie. Ah ouais, poussée dans le tram à genoux mamie, elle était aveuglée, ouais. Un œil, je me souviens de cette histoire-là. Ouais, mais je l'ai banculé à ce moment-là, c'est complètement faux. Mais il écrit n'importe quoi, lui. Camilla, please give me the light. Oh, thank you. But I don't have a light. And my name is not what you said. Where is it? It's so practical to like to speak like silently in the ears of someone. Where's mommy? Mommy's dead. She's in the cemetery. Or where is everywhere? And does it include the space I occupy? Does yes. it? Yes. La tergiversation comme ratio. Simation. Ratiocination. Ratiocination, c'est abus de raisonnement trop subtil. Rien ah, ne va plus. C'est pas mal ça. Merci. C'est ouais, de rien, c'est une nuisance à elle-même. Mm. Donc, so here goes, voici le fiel, non mielleux, mais meilleur que le rien. Qui doute ? It's a beautiful world. Le moment alors que la mielleuse réaction. Tangentielle participe de l'être T en avalant la semence déique. Déique, ouais, carrément. Ouais. Ma semence, j'aurais même pu dire ma semence déique. Ouais, ouais, carrément, je suis comme ça, moi. Tu franchement, vois. Vas-y, passe-moi un stylo, je corrige. Non, non, c'est bon, c'est parfait. Quoi, merci. La différence entre divin et déique. Bah, c'est l'objet déique. Bah, c'est la semence. Enfin, c'est déique, clair, c'est l'objet et c'est divin, c'est le caractéristique. Caractéristique de l'objet. Donc, le déique divin, par exemple, là, on est en plein dedans, quoi. Le déique divin, là, c'est divine deity. Non, deek. Like what? Divine deek. Oh, putain, that sucks. Oh, yeah. That sucks. That's a big one. I just done a big one here. We're gonna shut up about this. We're not gonna say anything. We're gonna go on. You know, we're gonna go on like everybody else is just going on right now. Yeah, yeah, what's going on? Tout le monde continue. La bonne affaire. On la dit de la affaire. Merde. La belle affaire. Everybody's going mes on. Mes couilles sur ton nez. J'ai rien dit, c'est pas moi, c'est leur faute. S'ils s'expriment, ces gens, moi j'ai rien à voir là-dedans. Moi je ne fais que payer la redevance. À la radio, pas besoin de pantalon. Pas besoin de pantalon, mieux vaut se gratter les obes sans pantalon. Ouais, bon, il fait quand même froid dehors, donc venez avec des pantalons, mais tombez-les. Comme une chemise. Tombez-les. Bonjour, Julien. Every time I go home, I've got 50 messages. Pour tous les galériens qui font des tiges. Tige. No hunger. Sleep, little piggy. Down the drain. Down the drain. I like the drinks. Non, ce n'est pas par hasard. Ou par fortune. C'est choisi. Décidément, la décision me revient dans la face. Couverte de poussière d'étoiles. Mortiférugineuse. De 2 à maintenant le 1. Est-ce que tu fréquentes un certain type de population qui va... Deux. Je vais arrêter à présent de donner l'antenne à n'importe qui, dont moi-même. J'ai trop de pouvoir en ce moment. Adieu, chers auditeurs. Mes mains ont des réactions bizarres. Stop it. Il faut que j'arrête absolument de dévoiler tout et n'importe quoi comme ça. Ouais, arbitrairement. Nuisance, émission exhibitionniste. Ouais, exhib, contre son gré, en plus. C'est dégueulasse. Contre-productive. Contre-productive, contre... Contre nature. Contre logique. Contre toute contre logique. Maîtrisée. Contre pétri. Contradictoire. Contre moi. Contre nous, contre vous, contre tout. Contre ce country. Contraceptible. contre la faim. On devrait songer à la contraception. Contre la faim du faim. Le faim, on n'en veut pas chez Nuisance. On veut du gras, on veut du... On veut pas de la faim, on veut du gras. Moi j'ai faim. Bon bah tu veux du gras alors. Moi manger. Ouais, je veux du gras, ouais. Ben, tu peux commencer par te manger, c'est un horrible cauchemar, je sais, mais... Ouais, mais là, je suis réveillé, là. C'est déjà le début de la fin. Enfin, j'écoute Nuisance, donc je vais pas tarder à dormir, mais... Ouais, j'avoue, ouais. Bah ouais, ben, je crois que les gens, il faut acheter du café le matin. Parce que... I'm getting crazy. It's not without coffee that you're gonna hold up very long. Coffee and cigarettes. Coffee and cigarettes. Oh, yes. Cigarettes, a lot of cigarettes. You need at least a batch of cigarettes. I would kill for coffee and cigarettes. I would kill for nothing, except myself, probably. You want mine? But, like, who cares, right? More? Beer is the answer. I'm a go and take. Yeah, just take it, smoke it. Beer. Smoke it, beer and cigarettes. I'm drinking my cigarette right now. And beer. I'm just about to pop that beer, I'm gonna smoke it. Smoke it. Smoke the beer. I'm gonna smoke it bad. Down the cigarettes. Down the cigarettes. You know what's even better than coffee and cigarettes? Dung and cigarettes. No, beer. Beer and cigarettes. Yeah, so I was just saying. I was. Yeah, it was implicitly what I was saying. Thanks for saying it, really. Sex and beer and cigarettes. No, but it won't go together. Beer and sex. And cigarettes and sex don't go together either, so we have to find something else. They we have to find do, like. Honey bunny. No, we, they don't. We take breaks. No, if we take. If we take the time to have a little cigarette. Like, you know, if you take, like. You know, what's that drug called? Their stupid drug thing that makes you hard and stuff, you know? Oh, that yeah, I don't have those kinds of problems. It doesn't matter. Well, actually, you could. I'm confronted to them. I'm, you know, I'm confronted. I hang out with people like you, so... You know, yeah, you gotta talk about things like that. What is that damn thing? I forgot it. Anyway, you take that thing... What are we talking about? You take drugs and cigarettes. Ah, yeah. But no cigarettes sex. And but sex. No sex. And sex. No yeah. sex. So, yeah, but no, because drugs, sex is a drug. Drugs, cigarettes, know. No sex. Yeah, it's all about the same, like drugs, sex, and cigarettes. It's like drugs. Yeah, that's sex what I was thinking. Drug? For, this, for the brain, it's the sex same and thing. Cigarettes. No, just sex. Just sex. Okay, just sex. Just sex. Just yeah. sex. No drugs, no cigarettes. No cigarettes. No just cigarettes. Sex, no cigarettes. Oh, fuck. Yeah, that's what I'm going to pray for tonight. Where did the coffee go? I don't know. I forgot about the coffee. Because, you know, in the morning, I like coffee and sex. Can that go? No, I'd be surprised. Nobody likes coffee. Yeah, nobody really likes coffee. Coffee, but, you know. But for that person, you know, it's not like sex, you know. But everybody drinks sex. All the time, except on holidays, because we're not paid for it. You know? Fuck coffee. Oh, I think. Yeah, fucking and drink sex. Fuck sex, man. No, drink yeah. sex. Sex sucks. Sex is sucky. Sucky. Oh. Actually. Yeah, it's like kind of a waste of time, you know, when you think of it, about it, I mean, like, c'est comme si tout le temps, en fait, on faisait que se baiser, it's like we're all just fucking each other, you know? Well, we are. Yeah, kind of. In so many ways. I don't need to remember that fact. You know. If only sex was like love, fact. You know? Love is love is like, it's not ours, you know, it's just there. Oh my God, did you like say hate, love? Kind of. Kind of like shame, too. Shame. I hate you. C'est la honte. Ouais, ouais, bah, I'll die for c'est it. C'est marrant, Shane, ça ressemble à Rishuma. That's something we have in common. Nah, I'm cool. Thanks. Alors, naturalistement parlant, naturalistiquement parlant, la situation, donc... est irrémédiable. Est irrémédiablement... On est tous en manque de sexe, clairement. Non, c'est pas ça. C'est pas tous ou personne. C'est plus, je vais... Attends, je vais couper ton micro. Le micro jeune est coupé, quoi. Parce que je suis en train de censurer personne. C'est bruit de sexe en fond, là. J'ai peur. J'ai pas envie d'être trop, tu vois ce que je veux dire, gênant envers moi-même, parce que je suis vraiment un fou, des fois. Je me dis que peut-être qu'il n'y a pas tout le monde dans le monde entier qui est complètement barjot comme moi. Alors je me dis que peut-être j'aurais couvert ces sons dégueulasses. Excuse-moi. Ouais, vas-y, je te l'ai remis, là. Tu veux vraiment je te demande pardon à genoux. Non, t'as pas à t'excuser, c'est pas ça que je te dis. À genoux. Mais je t'ai rien dit. Mais je te parlais même pas à toi, je parlais aux auditeurs. À genoux, allez, à genoux. Non, moi, c'est moins fort. Bon, d'accord, je me mets à genoux. J'ai tout le studio pour témoin, je suis à genoux. Non, c'est moi qui suis à genoux, pour recevoir tes excuses. Merci. J'accepte avec plaisir. Ouais, c'est beau, je sais. Bon, allez, passons à autre chose. C'est beau, là. Plutôt pipi caca, maintenant. C'est possible. J'ai des meilleures bases là-dedans. Got more of a basis and much more fundamental, like shit and crap and pussy, wipe and piss and cum, jizzy, of course, in Dallas, Texas. Nous n'avons pas que that's fait. Blasphemy. I will, so I don't will. À la fin de ne pas voir. I don't will. Penitentiary. What was that for? That was just for you. What? Just for us? That's too much, man. Well, that's cool. I have no luck tonight. So cool. For everybody that's like listening, it's like easy to see. Is there anybody listening? Is there someone out there? Our question exactly with my friend here. We're saying exactly. There's no one here alive. Yeah. That will actually say something because to of us. Toulouse. Because we're all in a radioactive bubble. Exactly. Bubble. Because of the boiling temperature of the no, core. No, there's no way any communication will come from the exterior land. 05 61 53 36 85. C'est ce que vous croyez. Canal Nord. Vous croyez que Canal Sud est encore au 40 rue Alfred Duméril. 05 61 53 36 95 62. Mais c'est pas possible en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le monde est mort ce soir. Le monde est mort, ça ne passera pas. La communication va couper. Les gens ne sont pas là. They're not here to hear us. Everybody is dead and gone away. A far out place, just a far out place, a far away place, man, where nobody is alive. Placement. And we're actually somewhere between Mount Zion and Sion, if I should say. Skion exists. Skion. Yeah. We're about there, Valhalla and all that Skion. Shit. You know? Right on. On va à peu près, c'est à peu près au paradis qu'on est là tout de suite. Hein. On est à peu près là, c'est à peu près la même chose. Paradis, enfer, tout ça, c'est là, hein. C'est maintenant. Je sais, oh, c'est terrible. C'est beau, hein. Are you hungry? Un peu, pas trop. Yeah? Non, pas trop. Shit. Pourquoi? T'as faim? No, not at all. Okay, it's just a question. Don't speak about them. Don't speak about them. No, please don't. No. Sushi. It smells good there. La. La. And you were here again. I was there. Ready to smoke them up. Now be gone tomorrow. Know what, motherfucker? I'm gonna blast your motherfucking head up. That won't be funny. Autocensure. Moment d'autocensure. Pardonnez-nous, chers auditeurs. Pas trop. Donc, t'as une nouvelle coiffure? Yeah. Pas mal de style, sorcière. Il y a un volontaire pour dire une blague et on en pense ce qu'on veut après, d'accord? D'accord, mec? Tiens, gars. Je suis toute oui. Gars. Ta blague, c'est quoi? J'ai envie de rire. Tiens. On va d'abord prendre le casque. Et après, ouais, pour bien entendre ta voix. Bon. Oui, bonjour. Quelqu'un a roté. Non. Donc, du coup, pour faire dans le bon goût, je vous poserai une question. Que demande une prostituée au Père Noël? Moi, je sais. 50 euros, comme à tout le monde. Voilà, passez une bonne fin de soirée. Merci. Putain, il pourrait lui faire une ristourne. J'ai fait de la radio. Père Noël, c'est Noël, quoi. Ah non, le Père Noël, il paye. Je t'ai sorti la blague sur les bébés et le Père Noël. C'était non, pas cool. On va voir tout au Père Noël maintenant. Une autre. Je sais pas si c'est vraiment politiquement correct à Canal Sud de dire une blague pareille. Alors qu'est-ce que vous en pensez? What do you think about the joke? Ça condamne la société. On a dit qu'on faisait pas de politique. Moi j'avais. Non mais moi je suis à Canal Sud. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas. T'avais quoi? Alors moi par exemple, the joke is, listen to this joke. It's good. It's a really really stupid joke. Qu'est-ce qui se passe? What does a prostitute ask Santa for Christmas? A new vagina? No, like 50 euros, just like anybody else. She should ask for a new vagina. I don't know. It's fucking Santa. So what, this joke, like cette blague, donc il y en a qui la trouveraient Alors, je suis sûr qu'il y en a qui la trouveraient vaseuse. Il y en a qui la trouveraient. Non, elle n'est pas spécialement vaseuse. Non, on s'en fout. Mais non, spécialement vaseuse. Vas-y, dis-moi, précise. En fait, si tu veux, c'est l'idée que le Père Noël, qui est donc genre. Tu vois, qui est idolâtré dans la société, genre de machin truc bidule enfant. Et du coup, bah, en fait, ça dit que c'est le Père Noël, c'est juste un vieux schnock barbu puant, comme les autres qui va au pute. Donc, du coup, ça condamne la société. Du coup, c'est pas si vaseux que ça, puisque ouais. Tu vois, c'est moi, la société. Moi, je voyais plutôt. Du côté du Père Noël, c'est pas mal, mais vu du côté de la société, c'est chier, ça. Parce qu'elle a d'autres c'est trucs ça, parce qu'elle racole. 50 déjà, balles au Père Noël. Genre, un nouveau vagin. Parce que c'est normal, une prostituée, ça racole. Oui, si tu crois au Père Noël. Peut-être une vie meilleure. Peut-être quelque chose pour ses enfants. Mais seulement si tu crois. Oh, au Père Noël, seulement si tu crois. Voilà, déjà, elle est assez bête pour y ça, croire. Ouais, voilà, si elle demande ça, c'est qu'elle y croit. Parce alors que l'idée, c'est qu'elle y croit plus parce qu'elle est lucide et que le Père Noël, c'est juste un gars qui travaille dans un supermarché. Il y a cette idée-là aussi. Est-ce que c'est le Père Noël qui vient la voir ou celle qui lui. Bah non, c'est le Père Noël qui vient la voir. Oui, c'est clairement le Père Noël. On sait pas. Il vient la voir, il repart et là, il dit ah, 50 euros en fait. J'ai une autre blague. Moi, j'ai une question. J'ai juste une question. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que le Père Noël demande à la pute? Les pipes, ça me sent moins cher que 50 balles. Quoi. Il va demander un truc à 20 ou 30 balles, puisqu'il n'y a pas trop bien. Tiens, tu l'as, ta réponse. C'est dégueulasse. Bah, comme tu dis tout à l'heure, c'est vrai que ça fait passer le Père Noël pour un gros dégueulasse. J'ai une histoire de cul. Ouais. C'est pas le Père Noël, c'est le clochard qui se déguise en Père Noël. Ouais, genre. Vas-y, c'est quoi ta blague? Ah non, j'ai une blague avant. Wow. C'était quoi? Bah non, je sais pas. Une histoire de cul? L'histoire de cul, c'est Prout. Ah ouais, Prout, elle est pas mal, ça. Ouais, ouais bah, elle sonne bien. Elle est mignonne. Ah, c'est dommage que je me serve plus du. C'est une blague pour enfants. Oui. Du délai, c'est là. Dommage. Tu vois. Ouais, c'est dommage. Ça aurait pu être beau. Je m'en sers plus, j'en ai marre de toujours répéter les mêmes choses. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui tombe du 20e étage? Jusqu'ici, tout va bien? Non, sa colonne vertébrale. Si tombe droit, comme un I, ouais. S'il saute bien, celle-là elle est pas mignonne. Il peut se retrouver avec le crâne sous les pieds, quoi. Ouais. Ou le bassin cassé. Ça, j'ai une pote qui a sauté du 3e étage parce qu'elle a entendu des voix et qu'elle est devenue folle. Elle s'est cassé le bassin, quoi. Elle en a eu pour 8 mois de bassin immobilisé et sonde urinaire. Elle s'en est remise? Ouais. Et elle marche? Ouais, elle marche bien. Elle saute? Elle marche sur la pêche. Non, mais ça va, quoi. Du 3e, elle a déjà fait une fois. Je crois qu'elle a arrêté. Elle a arrêté, ouais. Ah, j'espère. C'est dommage. Cadet, c'est pété toutes les dents. Ouais, parce que c'est le crâne la prochaine fois. Ah, la colonne vertébrale. Ouais, voilà, tout le monde se fracture des trucs en sautant de trop haut. J'ai pas sauté, moi, je glisse. Ouais, c'est la version officielle. C'est la seule et unique version. Bon, bah sur ces belles versions, j'ai envie de dire, on se casse quoi. Et bon, ben, bah, les auditeurs, vous savez, c'est 21h-23h. Ouais, voilà, il est minuit. 9 to 11 every Friday, tous les vendredis. Voilà, nuisances. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net. Canal Bromure, Sud. Bromure, l'émission qui calme tes ardeurs. Sur ce. Parce qu'en fait, il appartient à deux mecs qui s'appellent Jacques Attali et Jean-Pierre Jouchet. Jacques Attali, le mec qui existait depuis 40 ans, et Jean-Pierre Jouchet. Il sort Bosse Ukra de je peux.